C'est le producteur d'Hollywood qui te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Je fais tout pour l'oseille, crapule, à part la teinte. Dis pas que le concept ça pue, au contraire ça tue. Je veux pas ça, tu en es une statue. J'ai les pieds sur terre et ça dure pendant que les putes ça suce. Ça culpabilise jamais. Divise-nous, on se multiplie, chômé, on te paralyse. À part la mise, yo et loup, braque le rap sans handicap, coupe la rate, tu passes au loup. T'as de la salive sur les lèvres, de la fièvre, mon sang t'arrache la tête, pète-toi un sterre. Passe les chèques ou liquide, d'autres liquides secs. Si tu veux niquer les mecs de Death, que du concret en transac. Prends un gros sac, t'inquiète, on fait le voyage en Prozac. Et plein de mallettes, il est temps qu'on fasse briller le truc et qu'on écarte les fils de pute. Petit oiseau, on veut voler plus haut que le grand condor, désolé, blaireau. Déployer mes ailes, c'est facile. Tu traînes le sol comme un reptile, chapeau. Petit oiseau, on veut voler plus haut que le grand condor, désolé, blaireau. Déployer mes ailes, c'est facile. Tu traînes le sol comme un reptile, chapeau. On arrive dans ta résoie, blindé en yinche. On va faire du nettoyage, donc donne-nous ton linge. Arrête de faire la bouille, tu vois que les rats mouillent. Le vrai rap, c'est nous, on s'accroche comme des singes. Parmi nous, y'a des boxeurs, au cas où si des videurs s'y croient. Ils serviront pas ou au pire, on sait pas. Prends un verre, deux, trois, pour finir dans les water, deux fois. Allez croque dans ma queue, t'as l'air d'une vampire. Je vais t'enfoncer mon pieu quand on sera chez toi. Petit poussin, veux défendre madame. T'as su derrière la vie, on se croirait à Amsterdam. Le lion partage pas le repas. On a vraiment la dalle, pas comme la volaille. T'as vu mes noirs, t'as vu mes bougnoules. T'as vu l'équipe, t'as vu un flashback gros. Et t'as vu mes kids. Petit oiseau, on veut voler plus haut que le grand condor, désolé blaireau. Déployer mes ailes, c'est facile. Tu traînes le sol comme un reptile, chapeau. Petit oiseau, on veut voler plus haut que le grand condor, désolé blaireau. Déployer mes ailes, c'est facile. Tu traînes le sol comme un reptile, chapeau. Si ça démarre vite, impossible de sauter la lead. On garde les yeux ouverts, on évite un max la weed. Tu kiffes Niaxé, gardez les yeux, mes frères. Belle à mes frères, si t'es mauvais sur toute la ligne. Black et d'équerre, car chérisé. Pas des déterres, on va te paralyser. Permis dans 19, place des riquets. Combré, c'est Stalingrad sur les Champs-Élysées. Comme un crime, j'crois en tout. J'prime ma team, les couilles blindées. Pas de buzz pour des centimes. J'ai pas le temps de donner ce que j'vaux. Mon rap n'est pas tendre, ni fashion et ni gospel. Ils sont la transpiration. Les conspirations. Évitons les fellations. 19 sous ma nation. Petit oiseau, on veut voler plus haut que le grand condor, désolé blaireau. Déployer mes ailes, c'est facile. Tu traînes le sol comme un reptile, chapeau. Petit oiseau, on veut voler plus haut que le grand condor, désolé blaireau. Déployer mes ailes, c'est facile. Tu traînes le sol comme un reptile, chapeau. 19 sous Hades. Rap, pa, pa, pa.